arc-en-ciel, un amour de FM. Voici donc que je vous laisse avec Aimable. C'est tout simplement eh bien, des morceaux de Polka. Et juste après, tout simplement, ça s'appelle Karen Neville. Thank you. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est aussi ça. Voici donc qui s'appelle tout simplement Alexandre Mornier et juste après lui, de la Festa. Que j'y renonce ce soir au bal musette. Allez, vive à la fiesta, s'il vous plaît, regardez-moi. Nous allons nous évader pour faire la fête. We'll señorita, que j'irai danser ce soir au bal musette. Bravo les filles, bravo les gars, et merci bien. Arc-en-ciel. Le vent charmeux dans les feuilles frissonnantes passe des rêves bleus et des visions troublantes. Charme mes jeunes yeux, que me dit le doux langage de la modeste fleur que chante dans le bocage. Le vent charmeux. Parmi les blonds genis, je cueille la pâquerette. Oh, le charmant bouquet, j'écoute le doux langage de cette fleur et j'entends dans le bocage le vent charmeux. Dans les feuilles frissonnantes passent des rêves bleus et des visions troublantes. Charme mes jeunes yeux, que me dit le doux langage de la modeste fleur que chante dans le bocage le vent charmeux. Voilà donc, après la Java, voici donc deux morceaux country. Voilà les rues, la belle, il est sorti, les gens nous appellent, allons voir notre chaîne, qui vole sur la rue. Toi tu es bien, et toi tu es miel, redonnons la valse sarrasienne. Je t'apprendrai à danser, tu verras ce beau refrain de savoir. On aperçoit au loin les forêts, les prairies, que nous a fait cadeau d'un si joli pays. Vois tous ces sapins d'argent qui montent au ciel éclatant. Lorsque le soir descend, on entend les troupeaux et les joyeux bergers qui répondent à nos coups. Je suis ému chaque fois, non rien n'est plus bon. Voilà les îles, la nature est belle, les sons déjà nous appellent, allons voir notre chemin.

arc-en-ciel. Voici donc la musette juste après Michel Prévost. ça nous coûte des millions. Je crois que j'ai la solution. Dansez, dansez, dansez, coup de roue. Pour la femme, la jeunesse, c'est ce qu'il vous faut. Dansez, dansez, dansez, coup de roue. Et vous verrez que la vie, c'est très beau. Dansez, dansez, dansez, coup de roue. Écoutez votre cœur battre le tempo. Dansez, dansez, dansez, coup de roue. Allez, ça sent la mille, c'est un cadeau. Dansez, dansez, dansez, coup de roue. Pour la femme, la jeunesse, c'est ce qu'il vous faut. Dansez, dansez, dansez, coup de roue. Et vous verrez que la vie, c'est très beau. Voici donc Emmanuel, le titre s'appelle « Les amis de l'accordéon » et celui de Erika avec tout simplement la Paloma Blanca. Soyez bienvenus parmi nous, même si c'est la

toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc que je vous laisse avec Jérôme Richard. Et puis juste après lui, on a affaire du côté de l'Italie. arc-en-ciel, un amour de la femme. Donc un retour avec un morceau de Polka juste après la valse. Arc-en-ciel, un amour de FM. Voilà donc, on va faire un petit tour du côté de la montagne, du côté de la Savoie. Et bien un peu spécial cette chanson, tout simplement un petit coucou à Véro, on comprendra pourquoi. Ce soir, au Grand Bornand, à la Cuisa ou à Saint-Jean, ce fromage porte un nom, c'est le reblochon. Autour de toute la passion, c'est notre bon reblochon. Dans la vallée, ils chanteront le reblochon. Le cliquetis des sauts, la fermière qui ouvre ses rideaux. Dans la vallée du reblochon, le lait qui remplit les bidons deviendra, c'est merveilleux, un fromage onctueux. Pour le plaisir, dégustons-le. Et que ce soit au Villard, aux Arabies, au Chinaillon, ce fromage porte un nom, c'est le reblochon. Sur lui, on peut en dire long. Car le roi de nos maisons, c'est sans façon un compagnon, le reblochon. Hey! Hey! Dans la vallée du reblochon, quand les sapins dans le... t'apprendrai à danser, tu verras ce beau refrain de sa voix. On aperçoit au loin les forêts, les prairies, que nous a fait cadeau d'un si joli pays. Vois tous ces sapins d'argent qui montent au ciel éclatant. Lorsque le soir descend, on entend les troupeaux et les voix du berger qui répondent à nos coups. Je suis ému chaque fois, non rien n'est plus bon. Voilà les dires, la nature est belle, les sentiers déjà nous appellent. Allons voir notre chemin qui vole sur la vallée. Toi tu es mien et toi tu es la moisson, un grand bal et deux. Il y a de l'accordéon et l'on boit du bon vin. Il y a un très grand chanteur qu'on applaudit de tout cœur. Mais qu'est-ce qu'on attend tous avec grande impatience? La valse savoyenne qui fait chauffer l'ambiance. C'est le succès populaire de la Savoie. Voilà, donc on change de pays, je vous laisse de côté du Tyrol et juste après on y fait un petit tour avec Daniel Pouillard. On part du côté du Tyrol, le Canary Tyrol. We'll be right back. il fait voler les jupettes. Le barista, c'est un petit air très sympa, je suis sûr qu'il vous plaira. Le barista, et bien sûr la prochaine fois, vous chanterez avec moi. Le barista. Avec le Madison, avec Marc Pascal, et puis juste après André Verschuren. Madison, venez danser le Madison. Ça sonne et ça claque, ça flippe et flappe au bout de vos souliers. Madison, chante Madison, et ceux qui ne dansent pas, tapez dans vos mains. Clap to rinse everybody, c'est très bien. Un pas en avant, en arrière, sautez sur le côté. Faut pas être expert, laissez-vous aller, ce n'est pas compliqué. Madison, venez danser ad libitum. Par deux ou par dix, ça craque et ça crisse quand ça glisse sur le sol. Madison, pas besoin d'un référendum. Tout le monde aime ça, rien qu'à vous regarder. On voit bien que son tempo plaît. Bien sûr, ce n'est pas du rock, et ce n'est pas non plus du foxtrot. Même si c'est américain, on peut dire chez nous, on l'aime bien. Ça vient des années 60, mais ça swing comme dans les années 30. Et quand l'ambiance est bonne, maximale, optimum, c'est formidable. Madison, Madison, venez danser le Madison. Ça sonne et ça claque, ça fait flip et flap au bout de vos souliers. Madison, tout le monde chante Madison. Et ceux qui ne dansent pas, tapez dans vos mains. Clap to rinse everybody, c'est très bien. Si vous vous sentez plus léger que l'air comme Fred Astaire, venez aussitôt faire un numéro dans le Madison Show. Madison, venez danser ad libitum. Ça craque et ça crisse quand ça glisse sur le sol. C'est en somme la condition si l'amitié est bien au rendez-vous. Ça s'arrose et bien boire un petit coup. C'est le plus grand pas du samedi soir. Un amour de la femme. Chavirer dans mes bras, viens te serrer contre moi, emporté par la musique, corps à corps, aux accords d'un tango magique. Chavirer dans mes bras, viens te serrer contre moi, emporté par la musique, corps. Et bien donc on reste avec l'accordéon de tango. Voici donc un autre avec le tango nous invite, et puis juste après du côté de Lisbonne.

j'en verrai toujours, toujours le morisson de l'amour. C'est pour toi mon trésor, mon amour. Au Léon, nos soucis et pensons à l'ami. Le morisson de l'amour, je le chanterai toujours, toujours. Le morisson de l'amour, c'est pour toi mon trésor, mon amour. Au Léon, nos soucis et restons des amis. T'aurais pas dû partir, chérie. Ah, t'aurais dû réfléchir, parler. Oh, t'aurais pas dû, ouais, courir aussi. Après toutes ces nuits, la nuit, quand j'y pense aujourd'hui, je suis seul dans mon lit. T'aurais pas dû partir, chérie. Ah, t'aurais dû réfléchir, parler. Pas du web, courir aussi. Après tout c'est fini, la nuit. Mais je t'aimerai quand même toute ma vie. Le morisson de l'amour, je le chanterai toujours, toujours. Le morisson de l'amour, c'est pour toi mon trésor, mon amour. Oublions nos soucis et restons des amis. Voici donc que je vous laisse avec Marc Pascal, les mots d'amour oubliés, et retour avec En Savoie. Tant ici ça fait sourire un peu, un chanteur d'amour et le ciel bleu. Ce n'est peut-être pas très original, je m'en fous pas mal, ça m'est bien égal. Même si ça ne fait pas très sérieux, chacun son cinéma, à chacun sa façon d'exister. Dans ce monde de folie, je préfère la poésie, les chansons d'amour oubliées. Depuis longtemps je t'attendais, crois-moi, toute ma vie je n'aimerai que toi. Même si tu dois me faire souffrir un jour, tu resteras toujours mon merveilleux amour. Qu'ils étaient beaux les serments de la guerre, on se promettait pour une vie entière de partager ses peines et ses bonheurs, ses joies et ses douleurs, le pire et le meilleur. Un peu. On peut bien dire tout ce que l'on veut, il y a toujours une chanson populaire, un petit air comme ça qu'on préfère, qui vous chante quand le cœur est à la traîne, Arc-en-Ciel, un amour de la femme. Voici donc les émissions pour demain. Oui, parce que demain, c'est lundi. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Et bien donc, juste après lui, à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver vers matin avec Jean-Pierre. Et puis dans la fin d'après-midi, à partir de 17h jusqu'à 19h, avec Fernanda pour l'émission 100% Union. On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, que je vous fais chier, mais c'est vos mères. Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the girl, I'm the girl. On the rocks. Wow! Voilà donc l'émission On The Rock avec Manu entre 19h et 21h. Et puis juste après, eh bien vous allez retrouver tout simplement à partir de 21h jusqu'à 23h Rémi pour l'émission tout simplement L'Oradac du sport. Avec d'autres morceaux d'accordéon, voici donc Philippe, tout simplement, un des morceaux qui s'appelle La couleur du musette. Arc-en-ciel, c'est aussi ça. Elle met sa robe blanche, moi j'enfile ma chemise et on se retrouve sur la piste. Passe ou valse lente, tous les couples s'élancent. Ambiance et bonne humeur, c'est ça qui fait notre bonheur. Un joli boléro, joué par de vrais musiciens. On se resserre, son cœur contre le mien. Je retrouve mes 20 ans, mon corps d'adolescent. Une petite pause et on... Chanson des balles et des guinguettes. Couleur musette, c'est bien, c'est bon, ça fait tourner la tête. Quand le musicien tire sur l'accordéon, on oublie tout au milieu des flonflons. Couleur musette, ça m'engageur, c'est parti pour la fête. Quand les millettes font tourner leur jolie titupette, on oublie tout, les ennuis, les problèmes. C'est le miracle, couleur musette. C'est parti pour la fête. Quand les billettes font tourner leurs jolies petites jupettes, on oublie tout, les ennuis, les problèmes. C'est le miracle, couleur musette. spectacle, couleur musette. La vie en short, c'est parti pour la fête. Quand les millettes font tourner leurs jolies tigipettes, on oublie tout, les ennuis, les problèmes. C'est le miracle pour la l'émission touche à sa fin. Voici donc cette morceau qu'on va se quitter avec le titre, mais plutôt avec le chanteur qui s'appelle Christian Ruggieri. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous, à vous toutes, et j'espère aussi que vous avez passé une bonne après-midi en ma compagnie. On va se retrouver prochainement, et donc je vous dis bonsoir. Oliveira do Hospital é o único representante do distrito de Coimbra nesta edição da Taça. Vamos ver se mantém Coimbra no mapa. Vamos para o Estádio Municipal de Tábua, Horácio Antunes, para as primeiras informações do Oliveira do Hospital, Rio Ave. Dizer, boa tarde, Paulo Sérgio, ouvintes da Antenão, dizer que estas duas equipas nunca se encontraram. É, portanto, o primeiro confronto da história. Clube Futebol de Oliveira do Hospital, treinado por Nuno Pedro, a fazer alinhar Alexandre Verdade na baliza. A defesa com Romano, António Alves, Manuel Rodrigues, meio campo com Diogo Castro, Bruno Carvalho, Yaya Bamba e André Freitas, à frente Rui Batalha, Wilson Kennedy e Dafé. Quanto à equipa do Rio Ave, treinada por Luís Ferreira, alinhar com Magrão na baliza, Josué Sá, Patrick William e Miguel Nóbrega na defesa, meio campo com João Ferreira, Vítor Gomes, Guga e Pedro Amaral. Mais à frente, Ucra, Fábio, Ronaldo e Ruiz. O árbitro é da Associação de Futebol de Évora, Luís Godinho, auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Mota. Quarto árbitro, Sérgio Coelho. Está tudo a postos para se começar esta partida aqui no Estádio Municipal de Tábua, numa tarde de sol envergonhado. Já vamos fazer ronda para os repórteres da Antena 1 assinarem e dizerem quem se já se joga ou não. Subimos na geografia de Portugal continental, vamos para Gaia, Valadares Gaia, Desportivo de Chaves. O Valadares Gaia apenas na sua sexta participação. A equipa do Desportivo de Chaves está na participação número 59. Valadares Gaia nunca na sua história chegou à quarta eliminatória. O Desportivo de Chaves já atingiu a final da taça por uma vez, foi em 2010. É um encontro inédito, vai realizar-se pela primeira vez. Valadares Gaia, Desportivo de Chaves, no complexo desportivo de Valadares, está o repórter da Antena 1, Paulo Vidal. Boa tarde, Paulo. É o terceiro jogo na taça em casa para os canários do Valadares de Gaia, depois de terem eliminado Salgueiros e também Olivais e Moscavide. Recebem esta tarde o primo divisionário do Desportivo de Chaves, formação do Gaia do Valadares, que milita no Campeonato de Portugal. Grupo B, nesta altura, ocupa o sexto lugar com 5 pontos em 3 jogos realizados. Já se joga há 3 minutos nesta partida, 11 inicial da equipa da casa, orientada por António Oliveira, numa equipa que tem como figura André Claro, jogador que já alinhou na Primeira Liga Portuguesa, notabilizou-se no Famalicão, Arouca, Estoril e também Boa Vista. É um atacante de 31 anos, na baliza Pedro Carvalho, depois Guilherme Couto, Marlon e Gustavo, João Sérgio, Assis Júnior, Vasco, Vieira e Couto, Diogo Cunha, André Claro e Rafa são as escolhas de António Oliveira para esta partida. Do lado da formação transmontana, Vítor Campos.